bout de toi, inspirer, je t'aime, à travers un regard, à travers un sourire, et sitôt enterré, comme une graine que l'on sème, fit germer en moi un semblant d'avenir. Une partie de moi, mais sache seulement laquelle, a pris peur en ce jour, je la laisse partir vers un autre destin, puisque le mien chancelle. Les canards boiteux, j'ai choisi de choisir. Qu'importe les ans, mais quelle valeur ont-ils? Qu'importe le temps, passe le mois d'avril. Passent aussi les gens, leurs idées en ont-ils? Passent enfin nous deux, juillet n'est plus qu'un fil. Partie de toi a étouffé le M, le son tant attendu en ce début d'année. Un corset qui te serre jusqu'à l'année prochaine, bien jusqu'à demain, je préférerais. Un petit bout de moi a osé, paraît-il, enfin se dévoiler. Mais juillet se termine, et le soleil se couche. Se relèvera-t-il sur le canard boiteux qui en chemin chemine? Qu'importe les ans, si juillet en avril, et qu'importe le temps, si juillet est fragile, et passent aussi les gens et les enfants dociles, restent enfin nous deux, juillet plus qu'un fil. Seulement, étouffons-le alors. Un petit bout de nous, le reste est inutile. Sous le soleil d'avril, unissons nos corps. Une partie de nous, celle qui bat la mesure, qui veut mener la danse et fait battre le sang. Ce qui est important n'est pas tout ce qui dure. Si le tempo est lent, le canard est content. Qu'importe les ans, juillet sera fertile. Et qu'importe le temps, juillet n'est pas fragile. Et passent encore les gens, leur sourire est d'argile. Et passent enfin nous deux, juillet est en avril.